m'éloigne toujours plus de mon bled. J'ai beau avoir tout l'or du monde, ça ne vaut pas le béton de mon fief. Frère, j'ai la fièvre, c'est quoi cette pathologie? Je suis là pour nous faire de la maille et douche, mais on veut le pactole aussi. Mais faut aussi faire, là-bas tu tapes la faux aussi frère. J'aime là pour un gramme de vie sans coupe des repères. Alors qu'ici des aiguilles vis dans des tas de bras. Et pour cette merde, combien se glisse dans de salles? La situation s'aggrave, je la voyais pas si gore. S'ils veulent du mal de nous, va leur dire que c'est réciproque. Venu en paix, mais le pays des rêves, c'était des ragots. On a quitté nos terres, croyant que la Suisse était l'Eldorado. Mais arrivé ici, j'ai perdu les ailes dans mon dos. Car même avec l'asile, Noël se fête sans cadeau. Je viens de là, où chaque repas est un bonheur. Car 15 à la même table, ça fait une heure pour passer le beurre. On a quitté nos terres, pas oublié nos racines. Voulu tenter l'aubaine, là-bas tout paraissait facile. On a risqué notre peau, parfois visé trop haut. Scénario d'un film où je me voyais héros. On a quitté notre terre, pas oublié nos racines. Voulu tenter l'aubaine, là-bas tout paraissait facile. On a risqué notre peau, parfois visé trop haut. Scénario d'un film où je me voyais héros. Nos fortunes sont minimes, y'a pas d'écu sans magie. Si la parole vaut de l'or, j'en ferai une arme de destruction massive. La délivrance nos terres, les sacrifices d'un peuple. Masquer la vérité en grigeant le mensonge, ça stabilise la peur. Viser la tête et protéger ses jambes. Le sang comme symbole de guerre, des morts en guise de monnaie d'échange. À croire qu'on est des anges sortis des flammes de Satan. Vu à quoi on s'attend, pas besoin d'études pour compter tes chances. Fils en bâtis sur les chantiers, voilà ce que les gens vivent. À la controverse vos clichés, où nos paysans des régions vides. Alors je t'échange avant que je dis gens, tout que ça me laisse trop mal. Mal, je crache du feu, comprends mes brûlures d'estomac. Je laisse au mic les séquelles que je porte chaque jour. Et j'en veux au monde entier d'avoir mis mes deux rampages, nous. Immigrés d'un jour, condamné à vie. Je laisse pas les miettes du gâteau parce qu'à l'époque, à 10. On a quitté nos terres, pas oublié nos racines. Voulu tenter l'aubaine, là-bas tout paraissait facile. On a risqué notre peau, parfois visé trop haut. Scénario d'un film où je me voyais héros. On a quitté nos terres, pas oublié nos racines. Voulu tenter l'aubaine, là-bas tout paraissait facile. On a risqué notre peau, parfois visé trop haut. Scénario d'un film où je me voyais héros. Je peux te parler du blé, noyé dans une marée de sang. Mais ça ne recoupe pas les plaies de tous les frères qui se descendent. J'viens de là, où le couteau papillon te donne des ailes. Où l'espoir d'une vie belle peut te rester désert. On ne compte plus les hommes qui se battent pour nos terres. Ni le nombre de familles entières, à coups de pelle qu'on enterre. Là-bas les seuls vers c'est que tes gouttes sont les chants de l'imam. Ouais t'as pas de larmes à verser, c'est qu'un faux soigné ton image. Chez nous la belle vie est rare, comme dormir dans ton drap. Les hivers sont froids, mais tu pars quand même au combat. Y'a plus de proches pour te rendre plus fort, et pas d'argent dans les poches en guise de réconfort. Comprends maintenant pourquoi le peuple est corrompu. Car quand certains roulent sur l'or, marcher sur les corps ça pue. Je suis comme l'écorce d'un arbre, que le temps laisse rester sans larmes. Et aucun cœur ne vient se graffer sur ce putain de tronc là. On a quitté nos terres, pas oublié nos racines. Voulu tenter l'aubaine, là-bas tout paraissait facile. On a risqué notre peau, parfois visé trop haut. Scénario d'un film où je me voyais héros. On a quitté nos terres, pas oublié nos racines. Voulu tenter l'aubaine, là-bas tout paraissait facile. On a risqué notre peau, parfois visé trop haut. Scénario d'un film où je me voyais héros.